Dialogue, un slogan pour le lait. Écoutez. Alors, quel type de publicité envisages-tu pour notre prochaine campagne? D'après moi, un slogan très simple, du genre « Buvez du lait, c'est la santé. Le camembert, c'est encore meilleur. Ce conseil vous est donné par Préval. » On ne croit pas que maintenant on s'oriente vers d'autres types de publicités plus instructives? On pourrait donner quelques chiffres sur la production laitière, sur les laiteries industrielles, sur le nombre de lactations d'une vache? Mais ça rase les gens. Personne n'écoute. Il faut les faire rigoler, c'est plus payant. Répétez. Alors, quel type de publicité envisages-tu pour notre prochaine campagne? D'après moi, un slogan très simple, du genre « Buvez du lait, c'est la santé. Le camembert, c'est encore meilleur. Ce conseil vous est donné par Préval. » Tu ne crois pas que maintenant on s'oriente vers d'autres types de publicités plus instructives? On pourrait donner quelques chiffres sur la production laitière, sur les laiteries industrielles, sur le nombre de lactations d'une vache? Ça rase les gens. Personne n'écoute. Il faut les faire rigoler, c'est plus payant.